divine autour des volcans. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Chaque volcan a son histoire. Je crois qu'à Java, il y a 127 volcans actifs, rien que sur l'île de Java. Je ne connais pas l'histoire, les mythes de tous les volcans. Sur le volcan Merapi, il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Sapu Jagat. Ça veut dire le balayeur de l'univers. Et en fait, c'est un peu le Quasimodo. C'est lui qui a mangé l'œuf du monde que la reine du Sud présentait au sultan pour qu'il puisse s'unir. Et si le sultan avait mangé cet œuf, il serait devenu un esprit, un pur esprit. Donc, c'est le jardinier du palais qui a mangé l'œuf. Et il est devenu un pur esprit avec un visage épouvantablement laid et effrayant. Et donc, il s'est réfugié dans le cratère du volcan, et en fait il nettoie les ordures du monde et des hommes. Donc il prend toute la laideur du monde sur lui, mais c'est pour purifier l'univers. Pour la bonne cause donc. Demain on se retrouve pour le dernier épisode consacré à l'Indonésie, au centre de rien et au carrefour de tout, avec Elisabeth D. Inandiak. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité aujourd'hui est Claude-Charles Mollard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert culturel, artiste, photographe, écrivain. Mais je vous ai invité ce matin en tant que consultant pour le projet Panorama XXL à Rouen. Et c'est dans le cadre de ce projet que l'on peut déambuler dans la Rome antique et majestueuse grâce à un panorama de Yadegar Azizi, c'est bien ça ? L'auteur s'appelle Yadegar Azizi. Ouais. Et est un Berlinois d'origine iranienne. Voilà. Alors, c'est Rome 312. Oui, c'est-à-dire, Yadegar choisit des thèmes pour fonder ses panoramas, et l'un de ces thèmes, c'est Rome à l'époque de Constantin, c'est-à-dire le point culminant, je dirais, de la splendeur de Rome, lors du triomphe de Constantin sur son adversaire. Et en 312, c'est le point culminant de son règne, et il va faire de la religion chrétienne une religion officielle. Donc c'est vraiment un basculement de l'Empire romain, d'Occident. Et Yadegar Azizi, par son système de panorama, nous permet d'assister en temps et en heure, en quelque sorte, à cette période importante de l'histoire de notre civilisation. Alors comment ça se passe exactement, ce dispositif ? Le panorama, c'est un dispositif ancien. Bien sûr. Puisqu'il a été inventé à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. La France a été un pays qui a adopté très largement les panoramas au XIXe siècle. Et il y a même le passage des panoramas qui subsiste aujourd'hui dans le 8e arrondissement de Paris. Mais bon, le théâtre du rond-point des Champs-Élysées, par exemple, est un ancien panorama. C'est-à-dire que le panorama est un dispositif circulaire. 360 degrés. 360 degrés. On fait entrer le visiteur sur une plateforme située au milieu de ce dispositif circulaire, qui reconstitue un espace-temps. Alors, ça peut être Rome en 312, mais ça peut être la forêt amazonienne, comme si on y était, avec les bruits, presque les odeurs. D'ailleurs, c'est le projet qui va arriver tout de suite après Rome, si j'ai bien compris. Exactement. À Rome succède la forêt amazonienne, et puis ensuite, à la forêt succédera Rouen, à l'époque de Jeanne d'Arc, un certain 31 mai 1431, c'est-à-dire le jour de son assassinat, si l'on peut dire politique, puisque sa condamnation suivie de son exécution, nous le démontrons dans l'historial Jeanne d'Arc, qui est en cours de réalisation également, est une sorte de grand procès politique qui se termine par sa mise à mort. Alors, reconstituer Rome ou reconstituer la forêt amazonienne, ça on voit très bien comment on peut le faire. Mais est-ce que les événements sont joués par des comédiens ? Ah, pas du tout. Alors, il s'agit d'une peinture. Très bien. Il ne s'agit pas d'une peinture, il s'agit d'une photographie. Il ne s'agit pas d'une photographie, il s'agit d'une mise en espace. Il ne s'agit pas d'une mise en espace, il s'agit d'une architecture. Bref, il s'agit de tout ça à la fois. C'est-à-dire que l'artiste Yadegar Azizi vous introduit dans un espace-temps qui est constitué par une grande mise en image, syncrétique en quelque sorte, puisqu'il fait appel aussi bien à la photo qu'au cinéma, qu'à la peinture, qu'à toutes sortes de dispositifs sonores également. Et donc, il reconstitue cet espace-temps et, par un jeu d'éclairage, de lumière, vous fait assister à une journée, la naissance de la journée, l'arrivée du soleil, et puis son développement tout au cours du temps, et puis sa disparition dans l'obscurité du soir. Donc, on assiste en 20 minutes, comme ça, à une journée entière, mais sur un espace qui est immobile. Nous qui sommes dans une civilisation où les images succèdent aux images, nous sommes tout d'un coup transplantés dans un espace immobile. C'est-à-dire que tout est fixe. Il s'agit d'une seconde dans cet espace de l'année 312, du triomphe de Constantin. Tout est arrêté et c'est un arrêt sur image. Mais en même temps, tout est présent, tout est en profondeur de champ. Et donc, on a l'illusion complète d'être transplanté dans cet espace. Transporté, diraient les enfants aujourd'hui qui jouent à la transportation. On est transporté dans cet espace. Et l'illusion optique est parfaite. Yadegar Azizi arrive à recréer cette illusion. On est vraiment dans un trompe-l'œil à 360 degrés, on ne peut pas dire mieux. Et Yadegar Azizi, artiste conceptuel, est aussi architecte. Il insiste sur justement la particularité de la Rome antique. Il dit qu'il trouve absolument fascinant le fait qu'il n'existait que deux formes de construction dans cette Rome-là antique, le rectangle et le carré. Et à partir de là, on crée des espaces en les combinant de façon toujours renouvelée. Oui, c'est assez saisissant parce que, au fond, il n'y a pas une plateforme pour le visiteur, pour le public, pour l'observation de cette Rome. On est au sommet du Mont Palatin, mais il nous permet de nous placer à trois niveaux différents. On peut être placé au rez-de-chaussée, si je puis dire, de la plateforme, à 5 mètres d'altitude, à 10 mètres, ou au sommet à 15 mètres, 16 mètres exactement. Et donc, le point de vue sur les volumes de la ville varie selon la hauteur à laquelle on se situe. Lorsqu'on est tout à fait au sommet, on voit se succéder les plans et on voit effectivement aussi bien le forum que le Colisée dans le lointain. Bon, le Colisée, c'est un cercle. C'est pas un carré ou un rectangle, c'est un cercle. Et on voit bien dans le lointain. Et donc, il associe toutes ces formes architecturales qui font l'intérêt de la Rome, avec les temples, les différents arcs de triomphe. Il y a notamment un arc dit l'arc de Fabius. Je ne sais pas si c'est une allusion à la présidence par un certain Laurent Fabius de la communauté d'agglomération de Rouen. Mais l'arc de Fabius a existé et donc il est situé dans cet espace-temps qu'il nous présente. Donc il y a cet enchevêtrement dans lequel il trouve un ordre. Et parce qu'il travaille beaucoup sur l'architecture et il est lui-même architecte. Et donc on découvre ces différents niveaux d'accumulation d'architecture dont certaines sont déjà détruites car Rome se construisait sans cesse sur ses propres ruines. Et donc, on est dans une Rome contemporaine de l'année 312, mais en même temps, il y a des vestiges déjà de Jules César, qui est vieux de deux siècles. Deux siècles, c'est la Révolution française. Donc, imaginez qu'on soit dans un Paris dans lequel il y a à la fois des vestiges de la Révolution française et puis les tours de la Défense. Donc, tout ça est cumulé et ça fait la richesse, cette exubérance, au fond, de cette Rome qu'il présente à nos yeux. Mais il la présente sur une forme je dirais plate, mais simplement circulaire. Mais le relief est complètement illusoire. Le relief est provoqué par l'utilisation de la perspective. C'est un génie de la perspective. Et donc, selon qu'on se situe à un niveau ou à un autre, on a une vision, je dirais, complètement à l'horizon, presque à l'horizontale, mais de l'horizon sur Rome. Au niveau en dessous, on a une vision, je dirais, des bâtiments. Et au niveau encore inférieur, on voit les personnages. Or, ces personnages, ils ont, pour ceux qui sont les plus près, ils ont 3 mètres de haut. Dans la réalité, on les voit comme s'ils avaient 1,60 m, 1,70 m. Et puis d'autres sont beaucoup plus lointains, sont des points. On voit des foules qui manifestent leur enthousiasme devant Constantin. Et donc, on a vraiment ce que donne aujourd'hui le cinéma, en quelque sorte. Et d'ailleurs, les panoramas sont considérés dans l'histoire de l'art comme les ancêtres du cinéma. Alors, ce panorama XXL à rond qui présente Rome de 312, est-ce une œuvre d'artiste ou est-ce une commande pour un objet plutôt didactique, c'est-à-dire expliquer aux jeunes, aux moins jeunes, ce qu'a été Rome au temps de sa splendeur? Non, c'est une œuvre d'artiste. C'est une œuvre d'artiste et c'est une commande, en même temps, qui lui a été passée par Laurent Fabius. On y revient. Car Laurent Fabius m'avait lui-même passé une commande, si on veut parler des origines, d'imaginer ce que pourrait être un musée des grands formats. Et il appelait ça un musée XXL. Et donc, j'ai fait une recherche. Effectivement, en France, il existe des tas d'œuvres de grand format qui sont roulées et ne sont pas exposées. Même le Louvre a quelques panoramas qui datent de 1928. 1828, oui. Il y a des panoramas, deux panoramas, l'un... Et qui n'ont jamais été présentés au public. Non. L'un, c'est sur Saint-Pierre-de-Rome. Mmh. On est dans Saint-Pierre-de-Rome. L'autre, on est dans l'abbaye de Westminster. Et l'idée, c'est de représenter ces panoramas, qui sont des peintures, qui pèsent des 15 ou 20 tonnes. Ce sont des peintures roulées, qui font des rouleaux de 2 mètres de diamètre sur 25 mètres ou 21 mètres de long. Et qui ont été... qui n'ont jamais été présentés au public, parce que ce sont des commandes qui ont été faites à M. Allot. Et puis, pour différentes raisons, elles n'ont pas été présentées au public, elles ont été toujours roulées. Ouais. Donc, nous étudions la possibilité de les présenter en vraie grandeur à Rouen. Et qui ont été conçues pour un projet de panorama aussi. De panorama, ce sont des panoramas et qui sont conservés au Louvre, mais que nous voulons présenter à Rouen. Mais Azizi lui présente des panoramas du 21e siècle, avec les technologies du 21e siècle. Ce sont des panoramas beaucoup plus légers, puisqu'ils sont, au fond, ce sont des grandes tentures imprimées, des laits qui font 30 mètres de long sur 3 mètres de large, qui sont imprimés d'un seul tenant, puis qui ensuite sont cousus ou collés les uns aux autres pour constituer une sorte d'immense rideau de 360 degrés. Mais en fait, c'est une sorte de peinture photo de 110 mètres de long sur 30 mètres de haut. Donc on est vraiment dans de la peinture de grande dimension. Merci beaucoup, Claude-Charles Mollard. On a envie de faire un tour par Rouen, où l'exposition, où le panorama XXL qui présente l'œuvre de Yadegar Azizi, Rome 3312, dure jusqu'à fin juin, c'est bien ça ? Fin juin. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Je vous en prie.